Les dépravés, chapitre 25. Lorsque le père de Max, enfoncé dans les parois d'un compartiment de chemin de fer, et à peu près aussi mort que celui qu'il ramenait, se sentit approcher de Paris, une anxiété poignante domina chez lui toutes les autres nuances de la douleur. « Quel parti va prendre Mathusalem ?» se demanda-t-il. « Qui sait si cet être éhonté se fera le moindre scrupule d'ajouter un scandale à tant de misère. Sa fureur, en voyant Léocadie reprendre sa vie obscure et légumineuse, peut le pousser aux derniers excès. Peut-être même arrivais-je trop tard pour conjurer un éclat, et suis-je exposé à trouver, en rentrant chez moi, le déshonneur assis à mon foyer. » Ces craintes lui parurent réalisées en partie, lorsque Félix le domestique lui remit à son retour, dans ses lares, un paquet de lettres dont la seule qui l'intéressait affectait cette tournure menaçante. « Dès que vous serez à Paris, venez nous voir, nous avons à causer. Bien à vous, Mathusalem. » Il ne prit pas le temps de s'asseoir pour déjeuner et se fit conduire rue des Vidégriers, où il trouva toute la famille à table. « Elvire, apporte une assiette. Vous allez manger avec nous, » lui dit l'entrepreneur, avec une cordialité qui surprit Ouzelot. « Que voulez-vous » ajouta-t-il. « C'est une rude épreuve. Il faut la supporter. » Léocadie la supporte bien, vous voyez. Léocadie, qui portait une bouche à ses dents, en accompagna l'absorption par un regard au ciel. Madame Mathusalem, en signe de participation à la douleur commune, imprima quelques oscillations à son fauteuil, dont les roulettes rendirent un son plaintif. Le repas fut silencieux. Ouzelot surprit à plusieurs reprises, entre Léocadie et son père, un échange de regards qui disait clairement « Voici bientôt le moment d'attaquer ». Enfin, l'entrée d'Elvire avec la cafetière sembla donner le signal. « Ah, ça, docteur, » dit Mathusalem, « nos conventions, qu'en faisons-nous »« Ce que vous voudrez, » répondit Ouzelot. « Mon honneur est entre vos mains. C'est à vous de voir quel intérêt vous auriez à me perdre. »« Vous perdre ? Allons donc, quand nous avons tant de moyens d'entrer en arrangement. Si vous en connaissez de praticables, exposez-les. » « Léocadie, » fit Mathusalem, « j'ai laissé ma tabatière dans le cabinet de travail sur le bureau. Va donc me la chercher. » La jeune fille sortit et ne revint pas, ce qui fit supposer au docteur qu'elle connaissait le secret de la tabatière. « Une idée me vient à l'instant, » reprit l'entrepreneur, quand sa fille les eut laissées seules. « Votre fils n'était pas décoré et vous l'êtes. Vous savez que Léocadie est une femme ambitieuse, qui a toujours rêvé d'avoir un mari décoré. Moi ? Mais j'ai 52 ans. « Un député d'un patage. Et vous allez être député, mon gaillard. Comment, vous avez pensé à mademoiselle Léocadie ? Consentirez à... » balbutia Ouzelot qui ne savait plus où se fourrer. « Pourquoi donc pas ? Ma fille devait être votre bru. Eh bien, c'est vous qui serez mon gendre. Je la consulterai, bien entendu, car la pauvre petite n'a aucun soupçon de ce projet, » ajouta Mathusalem, avec une bonne foi carthaginoise. « Réfléchissez de votre côté, pesez bien le pour et le contre. J'irai en recoser chez vous dans 8 jours. » Le père de Max n'avait pas la faculté de se refuser au pesage que lui conseillait le père de Léocadie. Mais le contre était si terrible à affronter que le pour devenait son unique ressource. Mathusalem, ayant enfin reçu entre ses mains le oui fatal, insistait pour que le mariage se fît dans les 3 semaines. « Attendons moins de mois. » À cause de mon deuil, fut en présence des élections imminentes la seule objection qu'on osa risquer Ouzelot, plus candidat que jamais. Entré au corps législatif, quelques jours à peine après son mariage, le docteur fut classé tout d'abord parmi les amis du troisième degré. Mais, à force de dîner avec des ministres, il se voyait toutes les nuits partant pour le sabbat à Califourchon sur un portefeuille, c'est-à-dire qu'il guettait une occasion de passer la ligne et d'entrer dans le deuxième degré. La fameuse date du 19 janvier lui fournit le prétexte attendu. Le lendemain de l'apparition de ce placard, il se précipita dans la salle des conférences en répétant à haute voix « L'Empire libéral est fait, je croirais manquer à mes devoirs si je ne lui accordais pas tout mon concours. » Son amitié atteignit enfin le premier degré lors de l'arrivée aux affaires de ce groupe de bonapartistes matinés qui s'intitula le tiers-parti et dont l'unique mérite est d'avoir entraîné dans sa chute le parti tout entier. Nul doute que le docteur Ouzelot n'eût abordé à quelques ministères sans les événements qui suivirent. Mais les hommes politiques ne goûteront de bonheur parfait que le jour où ils seront parvenus à supprimer les événements. 3 ans environ après la mort de Geneviève, dont la tombe oubliée était devenue introuvable, Carbonel, toujours blanc mais toujours vert, se vit dans l'avenue de l'impératrice, salué de la main par une jolie blonde qui poussa la condescendance jusqu'à arrêter en son bonheur le briska qu'elle conduisait elle-même. Il s'approcha. C'était Clémentine. « Et quel âge as-tu maintenant ?» lui demanda-t-il après quelques mots du passé. « Moi, répondit l'artiste, j'ai eu 19 ans la semaine dernière. »« Déjà 19 ans ?» fit l'indestructible Ludovic. « Que tu, ma pauvre fille, il faudra prendre ton parti. On ne peut pas être et avoir été. » Fin.